j'ai en haut et mon enfant éthéré. Sous les cendres, la ville sommeille, les fantômes dansent, les flammes s'éveillent, le vent glisse entre tôles cabossées, les rêves brisés cherchent à se cacher. Je marche seul dans ce désert de fer, les étoiles froides éclairent mes misères, la poussière chante des airs oubliés, et moi j'écoute le temps s'évaporer. Les ruelles crient sous les pas d'acier, les ombres s'étirent, silhouettes voilées. Le béton craque sous le poids des souvenirs et mon cœur l'embat malgré le pire. Les ruines murmurent des secrets volés, des promesses mortes, des amours délaissés. Je porte le poids des jours sans lumière, mais je trouve encore ta main sur ma chair. Le silence hurle dans les nuits vides, les âmes errantes cherchent une rive. Je suis l'écho d'un monde en déclin, un roi sans trône, un spectre incertain. Les cendres tombent comme une pluie fine sur mes épaules, mémoire clandestine. Je cherche un souffle dans ce désert, ton visage flotte dans l'air amer. Hold me close in the rusted night, whispers lost in the fading light. In your arms the fire's alive. In the ruins we survive. Des souvenirs, des rires cassés, des plaisirs à finir. Sous le ciel noir, nos ombres s'étirent, des cendres chaudes où nos cœurs chavirent. Je cherche ta voix dans le souffle du vent, un dernier souffle, un instant brûlant. On bâtit l'amour sur des décombres et nos baisers défie les ombres. Les éclats d'une époque révolue s'accrochent à nos âmes perdues. Les murs suintent l'odeur du passé, mais toi et moi, on va tout brûler. Cœur éthéré. Respiration lente. Le temps s'égrène entre nos doigts fatigués. Les heures sombres ne nous ont pas brisés. Dans ce bunker, nos corps enlacés défient la nuit, le froid, le passé. Ton souffle chaud contre ma peau rugueuse, dans ce monde mort, notre flamme précieuse. Les ruines brillent sous nos caresses, éternelle danse, douce promesse. Les étoiles tombent, je les attrape, dans tes yeux je vois la nappe d'un monde mort, mais pas oublié, un souffle d'espoir à protéger. Les murs vibrent sous nos soupirs lents, les secrets s'échappent dans le vent. Chaque baiser est une victoire sur l'oubli, sur la mémoire. On s'accroche à nos rêves rouillés dans ce chaos, notre paix trouvée. Même si tout doit finir un jour, je veux brûler encore ton amour. Les éclats de verre sous nos pieds racontent l'histoire d'un passé qu'on n'oublie jamais vraiment. Dans chaque regard, un serment. Dans cette nuit sans fin où tout s'effondre, je te promets le feu même si tout s'efface. Nos cendres danseront au vent du futur, car l'amour vrai ne meurt jamais. Il perd. Stop!